pourquoi les nations s'agitent-elles sans repos? Pourquoi les peuples murmurent des projets vains? Les rois de la terre se dressent contre Dieu, les puissants complotent contre son moi souverain. Ils disent, brisons leurs liens, jetons loin leurs chaînes et leurs lois. Mais leur révolte se brise dans le vent, car Dieu qui est établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret du Seigneur. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donnerai les nations, les extrémités de la terre en héritage. Avec un sceptre de fer, comme on brise un vase d'argile sans partage. Celui qui siège dans les cieux règne, nul ne résiste à ça. Soyez sages, laissez-vous instruire, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, réjouissez-vous dans un tremblement sincère, rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite.